Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi 24 avril sur Bissoy, comme dans toute la France d'ailleurs. Le week-end se rapproche, mais pour l'instant, on termine la semaine en beauté avec un peu d'énergie et quelques bonnes idées pour la journée, le tout dans la bonne humeur pour passer le meilleur dernier jour avant le week-end possible, tout simplement. Et pour ouvrir ce vendredi, voici Philip Steele de Portugal, The Man. C'est ce que je te passe tout de suite sur Bissoy. Je te souhaite déjà un bon réveil avec nous. I keep my hands on myself. Ce morceau, Feel It Still de Portugal The Man, a un petit truc irrésistible, il donne instantanément envie de bouger sans forcer. C'est exactement le genre de titre qui fait glisser le matin vers quelque chose de plus léger et de plus vivant, et surtout qui met de bonne humeur. Et pour la petite minute de curiosité du jour, il faut savoir que les jours où l'on se sent un peu fatigué, comme en fin de semaine hein, par exemple, le cerveau aime les tâches simples et les récompenses rapides. C'est pour ça qu'un petit objectif atteint dès le matin peut changer l'ambiance de toute la journée. Ranger un coin du bureau, répondre à un message important, finir une tâche rapide, ce sont de mini-victoires qui comptent vraiment. Au niveau musique, on continue avec Pompéi de Bastille, tout de suite sur Bissoy. Merci d'être avec nous. Tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel casting all of our vices in your pose as the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Do we begin the rubble or our sins? Oh, oh, where do we begin the rubble or our sins? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how am I going to be an optimist about this? How am I going to be an optimist about this? If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Tu l'as entendu, c'est un morceau à la fois ample et très accessible qui a ce pouvoir de faire monter l'atmosphère sans brusquer. Il accompagne très bien les fins de semaine un peu chargées parce qu'il donne une impression d'ouverture et de respiration. D'ailleurs, n'hésite pas à nous faire savoir si les morceaux que je te passe dans ton morning quotidiennement, s'ils te plaisent ou pas, ou si tu les aimes moins, tu as le droit de moins les aimer. Mais n'hésite pas à nous le faire savoir, tant que c'est constructif, on prend. Allez, au niveau des bons plans en France, bons plans culturels, cet après-midi, donc le 24 avril, de 14h à 16h, rendez-vous à la médiathèque Haut-du-Lièvre de Nancy pour un événement appelé La Malle à son. C'est un atelier accessible à partir de 8 ans et animé par François Liuzzo, musicien, créateur d'instruments, créateur de sons et créateur d'ambiance. Tu pourras donner une seconde vie aux objets du quotidien en créant des instruments sonores et musicaux. C'est une expérience créative pour expérimenter les sons, bricoler et faire de la musique autrement. Et ce matin, de 10h à 11h30, tu peux également aller assister à l'événement Musée en famille, la figure du monstre. Ça se passe au Musée des Beaux-Arts de Nancy, donc si tu es dans le coin ou si tu n'es pas trop loin de Nancy, eh ben, tu écoutes ce morning et tu te prépares à y aller. C'est de 10h à 11h30, hein, c'est un moment de complicité familiale pour découvrir les collections et pratiquer une activité artistique. D'où viennent toutes ces créatures aux pattes crochues et dents pointues qui peuplent les œuvres du musée? Laisse-toi conter leur merveilleuse histoire avant de réaliser à quatre mains la figure d'un monstre façonné en argile. N'oublie pas d'apporter une boîte pour transporter tes créations à la fin de l'atelier. Et pour finir cette montée en puissance, je te passe un morceau que j'aime beaucoup beaucoup, c'est les Capital Cities avec Safe and Sound. Je suis à peu près sûr que tu l'as déjà entendu, personnellement c'est un de mes titres chouchous, donc je te le passe tout de suite sur Bisoy. You could be my luck, even if the sky is Un morceau qui respire la légèreté et l'élan positif, c'était Safe and Sound de Capital Cities. Il a ce petit côté solaire qui fonctionne très bien quand on approche du week-end. On garde le cap, mais on commence déjà à relâcher la pression si tu as la chance d'être en week-end le vendredi soir. Et on termine avec l'horoscope Bisoy. On commence par les béliers. La journée peut aller très vite. Canalise bien ton énergie. Taureau, tu apprécieras un rythme plus stable que d'habitude. C'est la fin de semaine en même temps. Gémeaux, une conversation peut vraiment te booster. Cancer, pense à préserver ton espace personnel. Lion, tu peux créer une belle dynamique autour de toi. Vierge, une bonne organisation te soulage immédiatement. Balance, le climat relationnel se fait plus souple aujourd'hui. Scorpion, reste attentif à ce qui se dit entre les lignes. Sagittaire, le vendredi te convient bien, surtout si tu restes libre. Capricorne, une décision pratique avance enfin. Verseau, tu pourrais avoir une idée vraiment intéressante aujourd'hui. Et enfin, Poisson, une ambiance agréable t'aide à souffler. Et voilà pour ce vendredi matin sur Bisoy. Bon courage pour la journée et surtout bon atterrissage vers le week-end si tu as la chance d'être en week-end le vendredi soir. Et tu peux me croire, je t'attendrai au bout de la piste d'atterrissage dès demain à 9h. Et oui, c'est samedi, on se permet d'arriver un peu plus tard. Allez, bonne journée à toi, salut et à demain.